they say damn. Santana's that squeeze hammers. Cannons and bandanas, blamers, we don't brandish. Blam at your man's canvas, then scream with your man's landing. And I'm back with my. Until that man is vanished, somewhere in the Grand Canyon, these kids are grandstanding. Niggas demand ransom over them grand scrambling. Van Damme em, camera, blam blam em. Call up, it's, I'm down south tanning. Mommy, I got the remedy. Tommy's up at the enemy. Homies and body, but now my body is feeling panicky. Killer and Cabo, we chillin' Morocco. For real, we got no chinchillas, though we're filled with them hollows, huh? It's the, I said it's the, I'm the. On passe un bon moment tous ensemble avec Skyrock Classics. L'émission premier sur les classiques chaque dimanche entre 18h et 20h. Tong Song, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Cisco, avec tous vos messages qui font super plaisir. Sur Twitter, Jean-Ruvan attend le dimanche pour avoir du bon son avec Skyrock Classics. Un véritable orgasme auditif, c'est ça qu'il a écrit. Le plaisir, le message. Cisco, Tong Song et La Crime, tout le monde veut des lovés. Avec B.O.C.C. qui nous dit Skyrock Classic, c'est le meilleur moment du week-end. Et vous avez bien raison, Skyrock est premier sur les classiques. On écoute donc Cisco, Lacrim et Eminem Rihanna. I love the way you lie sur Skyrock. Soyez bien là toute la semaine prochaine dans le morning. Il y a tout ça pour vous, pour Noël, à gagner avec D-Fool. Six Classics, Kayla de S.I.K.S. He's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Ooh, that dress so scandalous. And you know another nigga couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish. With the look in your eyes so devilish. You like to dance all the hip-hop spots. And you cruise to the cruise to connect the dots. Not just urban, she liked the pop. Cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like what, what, what. Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like what, what, what. All night long, let me see that thong, baby. That thong, thong, thong, thong. I like it when the beat goes, baby, make your booty go. That thong, thong, thong, thong. That girl's so scandalous, and I know another nigga can handle it. And she's shaking that thing like who's the ish, with a look in the eyes so devilish. She like to dance all the hip hop spots. Cruise to the cruise, to connect the dots. Not just urban, she liked the pop. Cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what. Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what. All night long, let me see that song.

So baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Avec Nelly Otinier, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et un message qui fait plaisir, un message sympa comme tout, c'est Juju, une nana de 30 ans qui nous dit Skyrock Classics pour une infirmière libérale en tournée, c'est du kiff en bar. Et ouais, l'émission est là pour ça, tous les dimanches soirs on vous détend avec les meilleurs classiques, les meilleurs sons de Skyrock. Et attention, c'est Noël avant l'heure dans le morning de D-Fool. Il sera de retour demain matin, D-Fool, avec toute l'équipe entre 6h et 9h en live de l'appart pour vous offrir, attention, les tout derniers cadeaux qui déchirent, que tout le monde s'arrache, la PlayStation 4 Pro, la toute nouvelle avec les graphismes de ouf. Il y a l'iPhone 7 à choper évidemment, et vos chèques de 1500€ cash si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parlera du téléphone. Et attention, ça me ferait franchement plaisir qu'un auditeur de Skyrock Classic gagne le chèque de 1500€. Donc si vous avez un petit téléphone à côté de vous, faut le prendre, faut envoyer un petit SMS 1500 en chiffre que vous envoyez au 72020, 1500 1500 au 72020 maintenant. Et franchement, demain matin le téléphone sonne, faut répondre Skyrock dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. C'est D-Fool qui vous lâche 1500€ cash toutes les 30 minutes entre 6h et 9h. Soyez connectés toute la semaine prochaine. Si vous êtes plein dans les bagnoles à rentrer chez vous, coming home après un long week-end. Didi Dirty Money, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Et Wyclef Jean juste après avec Mary J. Blige, 911 dans Skyrock Classics. C'est avant 19h. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. C'est chelou. En version unique en plus. Oh c'est chelou, chelou, chelou. Oh c'est chelou. Skyrock, c'est chelou. Zaho, c'est chelou. Manana, c'est chelou. Skyrock, je n'apprécie pas le fait qu'elle vienne chez moi quand je suis pas là. Qu'elle plonge dans mes bras, vêtue de mon propre pyjama. J'apprécie moins le fait que tu guettes mon retour avec ton air suspect. Et dès que je franchis le pas, là c'est chéri dans mes bras. Tu mens, je le sais quand tu louches. Des fois quand tu prends ta douche, qu'elle appelle et quand c'est moi qui réponds. Je la connais, quoi? Qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras cette passe près, mais je vais la taper. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras cette passe près, mais je vais la taper. C'est chelou, Skyrock. Skyrock, oh Skyrock, Sky, Sky, Skyrock. Quand je t'avoue au studio, pendant que tu fais l'idiot avec des Lydia ou des Myriam, puisque t'es mignon, renelle de mes yeux, tu vois une chose que je ne supporte pas, qu'elle joue avec mes nerfs et mon gars. Elle ne t'aimera jamais plus que moi. Tout le monde, je sais.

Louis, oh. When I'm looking at you, I keep thinking, why can't she be like you? So I'm scheming, I can't go on like this, believing that her love is true. Oh, standing on the dance floor while she tricking. You are all I want, girl. She's a chicken. We might be together, but love is missing. Girl, I want you. So what can we do? Girl, it's alright. Oh. Let's go somewhere and get it on tonight. Let's get it on. I got a girl, but you look good tonight. You look so good, baby. It's one on one tonight. You, baby. Tonight. Oh. Girl, if it's alright, alright. Let's go somewhere and get it on tonight. Get it on. You shouldn't have to be alone tonight. Yeah, yeah. It's one on one tonight. One on one, baby. Tonight. Yeah. Now she's looking at me, but keep talking. Oh, now she's trying to ice you. Let's start walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby, yeah. Girl, if you're ready, I'm ready. We can get it on. We can get it on. I know where I've been wrong. She's where you with you wrong. Is where I belong. Below, girl, if I can find the words to say. You think, yeah. Vidange,

Just hold on, I'm going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home. Un titre qui fait plaisir à Benoît Choquet. Merci de passer Hold On, We're Going On, mon titre préféré de Drake. Hashtag Skyrock Classics. On écoutait Drake à l'instant, le numéro 1 mondial avec Skyrock en concert. Ce sera au mois de mars, les 12, 13 et 14 à la Corotel Arena de Bercy. Des places qu'on vous a offert il y a pas longtemps. Il y en aura sans doute bientôt à gagner de nouveau. Et attention, cette semaine dans la roulette, il y a des concerts aussi. C'est les toutes dernières places pour aller voir DJ Snake au Zénith. Et il y a aussi des places pour aller voir Maître Gims en tournée Skyrock. Donc franchement, roulette au 7-20-20. La roulette peut tourner à n'importe quel moment. Et vous pouvez vous inscrire au tirage au sort H24. Maintenant, roulette au 7-20-20. Peut-être très bientôt des places pour vous, pour aller voir Maître Gims ou encore DJ Snake sur Skyrock. Ça, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Les meilleurs sons de Skyrock, Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches. Timbaland avec Kerry Hilson, The Way I Are, et 9-4, c'est le Barça, Kerry James. Timbaland, Kerry James, De La Soul, NTM, Lord Co-City, c'est Skyrock et c'est premier sur le rap. La première fois, c'était sur Skyrock, Skyrock Classics. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you go want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there, want you there, yeah. Neuf quatre, c'est le Barça. Devine qui tient le Barça. En lice, c'est des

the new, but nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his demo. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a gun. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to take. Well, I have to show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles. Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yes. Them the bitches pop a Prince Paul, so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they care. How you doing? Sorry to catch you too. Why don't you call me and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry to catch you too. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. Party at the Dragon on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Big gal, catch up on the latest styles. Got piles and piles of them, it takes by the miles. All I wanna do is count on the deck crowd, but addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, OG Pastor's all the producer. Now woe is me to the third degree. Mace pulls the funny, so I make like the bunny. Check, but I'm getting used to this bit more abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I do this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta get the player back at the hotel. I be like, oh, swell. Unveil the numeric code that dials my room and tell them to call me at noon. But of course there's no answering machine in my room, but a pretty young girl who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone, and with the quickness she recite like a poem. Hey, hey, you done did the right thing, dollar. My ring ring, now you're waiting on the beat. Say, say, I would love if you sing a tune of true instead of fronting on the street. So no problemo, just play your demo, and at the end it's breakout time. Please, oh please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. What's your name and your number, and we'll get back to you. Tous les dimanches 18h-20h Skyrock Classics avec De La Soul à l'instant, c'était Ring Ring Ring sur Skyrock. Il y a plein de classiques à écouter encore pendant une grosse demi-heure, juste avant de retrouver tout à l'heure le Hit US. Ce sera les 10 cartons rappeurs R&B aux États-Unis comme tous les dimanches entre 20h et 21h, le classement des sons qui cartonnent le plus aux States. C'est Stéphane qui s'en occupe et c'est à pas louper à partir de 20h. À partir de 21h, ce sera la plus grande radio libre de France, la spéciale de Diffoul avec Vincent qui va vous mixer les meilleurs moments, parmi lesquels Big Flo et Oli, les deux frangins qui viennent faire du surf mécanique dans les locaux de Skyrock avec guest Diffoul qui a pété le plafond avec sa tête. Vous pourrez retrouver ce moment qui déchire entre 21h et minuit. À partir de minuit, ce sera Rail Suprême, l'émission Rail de référence avec 2 heures de son hip-hop orientaux mixé par DJ Kez et Fred pour animer l'émission sur Skyrock. Ça se poursuit, Skyrock Classics avec NTM. On écoute maintenant NTM, c'est ma Benz, et Lord Co City sur le son, et Fat Man Scoop juste après. Be faithful. Cool chain, Lord Co City. Come back again, no man. From the truck. Every time I'm coming with Velcro, for real, he come on and with the Benz Sizer. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Quand tu whines, ton compas ça brûle ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Quand tu whines, ton compas ça brûle ding ding ding. Mes gars, t'es sexy, viens voir Co City. Original Wakaman dans la ville de Paris. Gars, t'es joli dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est Wine Moja, carré sur le groove. J'aime les gars, surtout quand les gars move. Hey ya, move up, rough comme une loupe. Bouge encore de la tête aux pieds, et lâche ta posée. Move up, girl, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon pas ça brûle ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu wine ton bon pas ça brûle ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whine, ton bon pas ça brûle ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz. Girl, quand tu whine, ton bon pas ça brûle ding ding ding. Kilo. Audio explique-leur. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz Benz Benz. Ouais, du côté de Sané, baby. Je garantis qu'il y a que des ding ding ding. T'es ma mère, je suis la flèche que ton entrejambe attire à mort de Lufia. On vivra en autre

Hey, les classiques de Skyrock, 18h-20h tous les dimanches, l'émission s'appelle Skyrock Classics. C'était Destiny's Child sur Varvo. Putain. Tu disais donc le gars trop content d'être là et tout, tu sais, ça m'a coupé dans mon élan. Destiny's Child avec Survivor à l'instant, et je voulais faire une blague, elle est tombée à l'eau, tu vois, c'était qui a survécu à l'élection de Donald Trump dans le 8US, c'est ce qu'on découvre tout de suite. Bah écoute, on va découvrir, ouais, la nouvelle révélation du 8, ça se tape surtout depuis plusieurs semaines entre Bruno Mars et le trio, je vais dire, entre les deux Daft Punk et The Weeknd. Le chanteur canadien, bah il se tape la première place depuis quelques semaines. Alors qui va l'emporter cette semaine? La semaine dernière c'était les Daft Punk avec The Weeknd. Cette semaine, elle est mystère. Et peut-être aussi des nouvelles entrées, hein, attention hein. Ah bien sûr, il se passe plein de choses dans le 8 US. Et pour ça qu'il faut suivre l'émission maintenant entre 20h et 21h. Salut Steph. Et ouais, c'est parti, ciao Maxime. 14h à New York, 11h à Los Angeles. En France.